des coups ne sont pas méchants, je vous l'avoue. C'est qu'ils en ont reçu de partout et beaucoup. Les mauvais garçons, ces inconnus, n'ont pas le désir du défendu quand ils sont en bande au coin d'une rue. On leur défend toutes les joies en les montrant partout du doigt. Pourquoi les mauvais garçons, tous les vauriens, ne sont pas méchants, je le sais bien, avec leur façon de cinéma d'autrefois. Les mauvais garçons que l'on peut voir voudraient une vie avec l'espoir. Il faudrait alors l'offrir sans retard. On leur défend toutes les joies en les montrant partout du doigt. Pourquoi les mauvais garçons serrant le poing ne sont pas méchants, je le sais bien. Ils voudraient connaître un peu de la vie aussi. Ce jour-là, alors nous les verrons avec de l'amour parmi les bons. Ils ne seront plus de mauvais garçons. Ah, les mauvais garçons. Ah, les mauvais garçons.